Hey! peux fermer les yeux et dire merci. Seigneur, nous te remercions pour nos vies. Merci Seigneur pour une nouvelle année. Merci Seigneur parce que ta miséricorde se nous renouvelle chaque jour. Merci Seigneur parce que tu nous as fait grâce et nous avons vu cette année 2015. Seigneur, merci pour nos vies, merci pour nos familles. Seigneur, merci pour ta grande bénédiction pour nous, Seigneur. Merci. Et ce matin, nous sommes là, demandons ta présence, Saint-Esprit. Viens nous toucher, viens nous bénir, viens nous aider ce matin. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Et bonne année à tout le monde. Alléluia. Et ah, où sont les autres? Ils sont toujours en voyage. C'est fini. Il faut les informer que c'est fini. Qu'ils reviennent. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est un dimanche de faire une alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, je vais vous demander de préparer une petite fiche, ok, comme Néné a pris. Ok, est-ce que Néné, tu peux me donner oui. Ok, donc tout le monde peut avoir quelque chose, au moins ça. D'accord, et peut essayer de mettre peut-être un titre, peut-être, ok, un titre. Fiche d'alliance. Ok, fiche d'alliance. Ok, et donc, à la fin du culte, on va faire une alliance avec le Seigneur. Alléluia. C'est pas le moment de faire une requête. Toute l'année, au moins chaque dimanche, on a fait des requêtes. Ou bien, chaque dimanche, on demande quelque chose. Au moins, à part la semaine. D'accord? Et donc, ce matin, tu veux dire, Seigneur, cette année 2015, je fais cette alliance, avec toi, que je ferai. Alléluia. Ça pour toi. Peut-être une seule chose. Deux choses, une seule chose. Ça là, Seigneur, ça là, je fais cette alliance par ta grâce que cette année je te ferai, eh bien je ferai ça pour toi. Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Yeah. Dimanche d'alliance. Et le Seigneur a toujours fait des alliances avec son peuple. Alléluia. Et la Bible, lui pour lui, de son côté, il a toujours accompli sa part. Alléluia. Et donc c'est son peuple que chaque fois n'arrive pas, ou bien par désobéissance, par oubli, par péché, on oublie de faire notre part. Alléluia. Mais cette année, par la grâce de Dieu, tu feras ta part. Alléluia. Et le Seigneur va te bénir. Il y a seulement une seule personne dans la salle ici. Hein? C'est comme il y a une seule personne ici à qui je parle. Hey, ça c'est une nouvelle année. Oh. Alléluia. Et donc, Stéphane et son équipe sont en train de faire les papiers pour vous. Alléluia. Stéphane, est-ce que vous aurez beaucoup? Ok, donc faites vite pour ne pas déranger. Et puis ce dimanche, c'est le premier dimanche, alléluia, du mois de janvier. Donc on va être à table avec le Seigneur ce matin, alléluia. Et ça aussi c'est une alliance, un rappel de ce que le Seigneur a fait sur la croix. Et ça aussi c'est une alliance que nous faisons aussi à Dieu, alléluia, avec Dieu. Et ce dimanche aussi, est-ce que vous avez les enveloppes? C'est un dimanche d'action de grâce pour dire merci. D'accord? Et donc, vous décidez vous-même que Seigneur, ce que tu m'as fait pour 2014, cette année, je veux même te remercier avant même que l'année finisse. Alléluia. Bien au commencement de cette année, je veux te dire merci pour ce que tu feras cette année. Alléluia. Donc c'est un dimanche d'action de grâce. Et on a envoyé le message, mais je ne suis pas sûr que tout le monde a eu le message. Alléluia. Donc ceux qui ont les enveloppes peuvent, amen, peuvent le faire aujourd'hui. Et donc la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est pas trop tard. D'accord? Tu peux donner quelque chose, mettre dans l'enveloppe, dire merci à Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Tout ça là, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un. Tu ne fais pas ça pour moi. Tu ne fais pas ça pour l'évêque. Hein? Nous tous, individuellement, on fait ça pour nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Répondez. Vous avez faim? Hein? Wow. OK. Bien, vous ne comprenez pas mon français. Mon français a changé? OK. S'il y a des fautes, faut me pardonner, OK? Faut me pardonner. S'il y a des fautes dans mon français. Alléluia. Et donc, ce matin, nous allons commencer avec la parole de Dieu. Alléluia. Yeah, cette année, c'est une année de quoi? De servir, de service ou bien de servir le Seigneur, c'est ça? De servir le Seigneur ou bien de service au Seigneur? De servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, cette année, on va servir le Seigneur. L'année passée, on a essayé de faire quelque chose. Alléluia. Mais cette année, on va dévouer ou bien on va consacrer toute l'année à faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Si vous étiez là le temps train la veille du 31, vous allez comprendre. Alléluia. Pourquoi servir le Seigneur? L'importance du service au Seigneur. Alléluia. Pourquoi servir le Seigneur? Ou bien servir le Seigneur, c'est quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Certains d'entre nous, on était là, mais on n'a pas servi le Seigneur. On a servi autre chose. Alléluia. Mais, nous allons décider. Décider. OK? Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Alléluia. Il y a chanter, évangéliser, faire tout et tout et tout. Alléluia. Il y a plusieurs manières. Et tout le monde peut servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, on va voir quelques raisons, peut-être deux, trois raisons pour lesquelles devons servir le Seigneur cette année. Alléluia. OK. Malachi 3, 18. OK. Première raison. Aujourd'hui, je vais finir tôt. 15 minutes et puis on a fini. Malachi 3, verset 18. OK. Malachi, vous êtes là? 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Wow. Donc, la première raison, il y a une grande différence entre celui qui sert le Seigneur et celui qui ne sert pas le Seigneur. Il y a une différence. Même lorsque tu prends ta vie, si tu as été là l'année, il y a quelques mois, bien, je peux dire que j'ai commencé à servir le Seigneur depuis 2014, alléluia, de janvier jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu ne vois pas la différence? Il y a une grande différence. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'une des choses que Dieu fait lorsque tu viens à lui, il te change. D'accord? Il te change. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et il doit avoir une différence. S'il n'y a pas de différence entre ta vie ancienne et cette vie, Ça veut dire que tu n'as pas commencé à servir le Seigneur. Yeah, tu n'as pas commencé. Hallelujah. Donc, il doit y avoir une différence entre ta vie ancienne et la ta vie maintenant. Pour dire que tu es en train de servir le Seigneur. Hallelujah. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence entre celui qui sert le Seigneur et celui qui ne sert pas le Seigneur. Hallelujah. Donc, il y a deux niveaux de différence. La différence, première différence, c'est ta vie présente et ta vie ancienne. Hallelujah. Est-ce que tu as changé? Il y a une différence. Si on ne voit pas de différence, tu n'as pas commencé à servir le Seigneur. Hallelujah. Parce que ça commence avec toi-même. La différence commence avec toi. Donc, il doit y avoir des différences. Qu'est-ce que tu faisais avant? Yeah. Qu'est-ce que tu faisais avant? Yeah. Pose-toi la question. Quelles sont ces choses-là qui sont toujours là? Si tu continues à les faire, donc cela veut dire que il n'y a pas de différence. Tu n'as pas commencé à servir le Seigneur. Parce que lorsque tu commences à servir le Seigneur, c'est quoi dans les relations? Il y a beaucoup de turbulence. Turbulence, c'est un mot? Il y a beaucoup de... Parce que il doit y avoir une différence entre lorsque tu es seul et lorsque vous êtes deux maintenant. Hein? Parce qu'il y a, un mariage entre les deux. Hein? Pas mariage, ce que nous connaissons. Il y a, est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque tu amènes certaines bêtises, tu vas réaliser que non. Ça ne va pas marcher dans cette relation. Hallelujah. Et donc, lorsqu'on vient à Dieu, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment est-ce que tu te comportais avant? Comment est-ce que tu parlais avant? J'ai dû dire à certaines personnes, arrête-toi de parler la manière dont tu es en train de parler. Yeah. Parce que ça, c'est comme, est-ce que tu es né de nouveau? Tu es chrétien? Tu continues à parler ainsi? Yeah. Hallelujah. Il y a certaines expressions là, ça n'a pas sorti de ta bouche. Hmm? Yeah. Est-ce que je dis quelque chose? Yeah. Peux pas. Parfois, je m'étonne, les mots qui sortent. J'ai dit, ça c'est fort. Hallelujah. Nous sommes des chrétiens. Hallelujah. Et nous servons un Dieu. Amen. Et il y a une manière de servir Dieu. Hallelujah. On ne peut pas amener ce qui est dans le monde et l'amener ici pour dire que nous sommes en train de servir le Seigneur. Yeah. Hallelujah. Une différence entre ta vie ancienne. Yeah. Une différence. La manière dont tu t'habilles. Une différence. Yeah. Pourquoi amener le monde ici? Dans la maison. Hallelujah. Est-ce que vous comprenez? La musique que tu écoutais. Est-ce qu'il y a une différence? Yeah, est-ce qu'il y a une différence? Yeah. Moi, avant d'être chrétien, moi, j'aimais les musiques, on dit les musiques quoi? Cool. Slow. Hallelujah. C'est pourquoi j'aime le praise and worship. Yeah, c'est pourquoi j'ai aimé le praise and worship. Lorsque je suis né de nouveau, je suis arrivé, on m'a dit non! On ne doit plus écouter ces musiques. Yeah. Donc, j'ai changé. Donc, dit, quelle sorte de musique chrétienne qui est semblable à ce que j'écoutais avant? L'adoration. Donc, complètement, j'ai commencé à aller à Accra dans les music shops. Dans les... quoi? Dans les quoi? Les shops. Shop, c'est quoi? Magasin. Hein? Christian Music Shop. Vous connaissez Christian Music Shop? Et puis Challenge Bookshop. Vous connaissez Challenge Bookshop? Hein? Challenge Bookshop. Vous connaissez... Yeah! J'allais à Accra. Là où on vend les CD, les cassettes. Acheter. Pour écouter. Hallelujah. Est-ce que vous comprenez? Yeah! Yeah. Il doit y avoir un changement. Lorsqu'on entre dans ta chambre maintenant, quelles sont les musiques qu'on va retrouver? Lorsqu'on prend ton téléphone, quelles sont les musiques qu'on va écouter? Hein? Quels sont les films qu'on va voir? Les vidéos? Quelles sont les vidéos lorsqu'on est dans ta chambre? Est-ce qu'il y a une différence? Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence. Amen? Yeah. Tu as commencé à servir le Seigneur. Parce que parfois, lorsqu'on parle de servir le Seigneur, oh, je viens chanter, oh, on me voit faire les choses, les trucs là, ok, je viens à l'église, et puis, non. Toi-même, lorsque tu es seul, est-ce que tu sers le Seigneur? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Servir le Seigneur. Donc, il doit y avoir une différence. Une différence. Les relations. Lorsque tu es dans une relation, tu dis bilo. Est-ce que la relation bilo là, est-ce que c'est la même chose que ce qui était dans le monde? Yeah. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Tu n'as pas commencé à servir le Seigneur. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Yeah, il doit avoir une différence. Donc, 2015, on doit avoir une différence dans ta vie. Yeah. Même ta présence à l'église, on doit avoir une différence. Pas voir aujourd'hui, tu viens, demain, tu ne viens pas. Ok, aujourd'hui, c'est le premier dimanche, donc je viens le premier dimanche. Et puis, c'est fini, tu viens le dernier dimanche de l'année. Yeah, c'est ce qu'on... C'est fini. Tu dis, pasteur, tu as chance que je suis ici ce matin. Pasteur, tu as chance que je suis ici. C'est fini. On se voit le dernier dimanche de l'année. Ou bien le dernier jour, 31 décembre. Sur Aveno Park. Si jamais on a ça sur Aveno Park. On se retrouve là-bas. Alléluia. Il doit y avoir une différence entre ta vie ancienne et ta vie maintenant. C'est ça. Ton comportement, ton attitude, ta manière de faire les choses. Alléluia. Est-ce que ça va? Il doit y avoir une différence. Yeah, entre tes offrandes, ta dîme, tu dois payer la dîme. Yeah, servir le Seigneur, payer la dîme. Donner. Alléluia. Cette année, ça, pour certaines personnes, ça doit être l'alliance que tu dois faire avec Dieu. Yeah, payer la dîme. Dis que Seigneur, 2014, j'ai pas payé la dîme, mais cette année, je fais cette alliance avec toi. Que cette année, chaque fois que je reçois, je te donne 10%. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, la première raison, il doit y avoir des différences. Et pas seulement la différence dans ta vie ancienne et ta vie nouvelle, mais il doit y avoir la différence entre toi et quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur. Yeah. Dans l'hostel, tout le monde doit savoir que tu es chrétien. Hein? Que cette dame-là sert le Seigneur. Pas la manière. Pas ta vie, pas ton comportement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. On doit avoir des différences. À la maison, on doit avoir des différences. On doit avoir des différences. Alléluia. J'ai eu des cas tout récemment que les gens sont allés en congé pour aller fêter au pays. Et puis les parents ne les aient pas permis d'aller à l'église. J'ai dit pas de problème. Reste à la maison. Ou bien, fais ce que tu vas faire. Reste à la maison. Ou bien, va à l'église avec les parents. Si c'est possible. Alléluia. Yeah. Mais par ton comportement à la maison. Par ce qui t'est arrivé ici à Accra. Surtout à l'église. par ce que Dieu a fait dans ta vie, s'il y a un changement dans ta vie, ils vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce ma fille-là? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils-là? Donc, de là, tu auras l'opportunité de parler un peu. Yeah. On a eu des cas, beaucoup de cas ici au Ghana, lorsque je suis arrivé. Maintenant, c'est facile. Les Ghanéens, la Ghanéen avait cette attitude. Les parents Ghanéens avaient cette attitude. Ne laissaient pas les enfants aller dans les églises charismatiques. Il y avait des problèmes. Mais beaucoup ont témoigné qu'après, lorsqu'ils ont vu un changement dans leur vie, ils ont vu que, ah, c'est comme l'église là, ça fait quelque chose dans la vie de mon enfant. Et donc, c'est comme c'est bon. Donc après, Dieu dit, ah, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui. C'est eux-mêmes qui demandaient à les enfants d'aller à l'église. À cause de leur comportement, du changement, de la différence qu'ils ont eu dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? Yeah! Donc, ton comportement, le changement il doit avoir un changement clair. Que cette personne, cet enfant-là, sa vie a changé. Et lorsque tu arrives, et tout d'un coup, ils ne vont pas voir parce que tu n'as pas encore commencé à amener. Ce sont les premiers jours. Ah, mais après une semaine, deux semaines, les parents doivent voir une différence dans ta vie. Yeah, doivent voir une différence de l'effet de l'église, de la parole de Dieu dans ta vie. Et pour dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tu as changé. Tu as changé. Pour qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'école? C'est quoi? Ou bien c'est l'église là? C'est la parole de Dieu? On dit, ah, hein? Donc c'est bon. Donc là, tu auras l'opportunité. C'est eux-mêmes qui vont te dire, va à l'église. Yeah, va à l'église. Va à l'église. Va à l'église, mon fils. Va à l'église, ma fille. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Donc, il doit y avoir une différence entre toi et celui qui ne sert pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Est-ce que la Bible dit? Malachi. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant et celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Une différence. Il y a un frère qui nous disait la même chose. Et lorsqu'il est allé en congé et puis les parents ont vu la différence. Il dit, ah, ça c'est pas mon enfant. Il y a un changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il a eu l'opportunité de parler un peu, de donner même les messages, bien les livres, qui a changé sa vie à ses parents. Et ses parents ont apprécié, ses parents même qui poussaient, hein, ses parents même qui le poussaient, aller à l'église, va à l'église. Alléluia. Est-ce que ça va? Et donc, cette année, lorsque tu sors de l'église, lorsque tu vas à l'école, lorsque tu es en ville, lorsque tu es à la maison, va voir cette différence entre toi et celui qui ne sert pas le Seigneur. Alléluia. Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que ça va? Yeah. Deuxième raison. Je termine avec cette deuxième raison. OK? Deutéronome 28. C'est Deutéronome? Ah, ok. Où sont les Bibles? Les Bibles. Deutéronome. On va continuer la semaine prochaine. Deutéronome, chapitre 28, verset 47. Ok? Ou bien 44. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas, il sera la tête, et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, et elles te poursuivront, et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. verset 27, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Alléluia. Wow. Pour n'avoir pas servi l'Éternel, ton Dieu, au milieu de l'abondance de toutes choses, avec joie et de bon cœur. Deuxième raison, pourquoi c'est bon de servir le Seigneur, c'est ça, non? Yeah. À cause de quoi? L'abondance, c'est dans ce verset. L'abondance de toutes choses, l'abondance de toutes choses avec joie et de bon cœur. Yeah. Servir Dieu, c'est bon à cause de l'abondance de toutes choses. À cause de l'abondance de toutes choses. Quoi? Avec? Ça, c'est pas une bonne phrase, c'est ça, non? Il y a à cause de l'abondance de toutes choses. Tout simplement. À cause de l'abondance de toutes choses. Wow! Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Servir Dieu à cause de l'abondance de toutes choses. Yeah! Les choses abondent. À cause de la bénédiction de Dieu. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Yeah! À cause de l'abondance. C'est pourquoi on a ce verset dans Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. OK. Vous connaissez ce verset? Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que vous voyez le lien entre ces deux versets? Yeah! L'abondance de toutes choses. L'abondance de tout ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans cette vie? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Ici au Ghana, diplôme. Connaissance, études. Alléluia. Et après quoi? Après le boulot. Après le boulot, c'est quoi? Après le boulot, c'est mariage. Après le mariage, c'est quoi? Enfant. Après enfant, c'est quoi? La vie. La vie, c'est trop vague. Alléluia. Yeah? Quoi encore? Toutes choses. L'argent. Quoi? Les maisons. Les voitures. Les quoi aussi? Les voyages. Les quoi encore? Les quoi? Les voyages et les quoi? La prospérité. Yeah! Tout le monde ici a prié pour la prospérité. Hey! Comment est-ce que la prospérité vient? La Bible dit quoi? Cherche premièrement et puis toutes ces choses vous seront données. Ouais, nous faisons le contraire. Nous sommes en train de chercher ces choses. Yeah, nous sommes en train de chercher ces choses. Au lieu de chercher le royaume et sa justice. Au lieu de servir Dieu. Hein? Parce que lorsqu'on lit dans Deutéronome, il a parlé de les malédictions. Ces malédictions sont arrivées parce qu'ils n'ont pas servi le Seigneur. Mais il dit, dans l'abondance, ils n'ont pas servi le Seigneur dans l'abondance de toutes ces choses. Dans l'abondance de la prospérité. Ils sont devenus la queue par la tête. Est-ce que vous avez lu? Vous n'avez pas lu bien lu. Hein? Il dit, il te prête, verset, à partir du verset, bien avant. Mais on va lire verset 44. OK? Il dit, il te prêtera. Et toi, tu n'auras pas d'argent pour prêter. Hey! Il dit, il sera la tête et toi tu seras la queue. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur. Alléluia. Et tous ces malédictions viendront sur toi et vont te poursuivre. Mais est-ce que vous voyez dans Matthieu 6, verset 33? Plutôt ces choses, cette prospérité se poursuit, pas les malédictions. Est-ce que vous avez vu le anglo ni contraste? Contraste. Hein? Yeah. Les malédictions vont se poursuivre et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Ils seront à jamais pour toi et à tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas, au milieu de toutes choses, au milieu de la bénédiction, au milieu de tout ce que tu recherches, au milieu de ça, les malédictions te poursuivent. Alléluia. Et il dit, au milieu de tout, ton Dieu, hein, au milieu de l'abondance, tu es servi, n'avoir pas servi Dieu, ton Dieu, tu ne sers pas. Alors que dit que lorsque tu sers dans Matthieu 6, 33, lorsque tu sers, tu recherches le royaume et tu sers Dieu, ces choses, ces bénédictions vont te poursuivre, te seront données. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Yeah. Combien de témoignages on n'a pas eu? Combien de témoignages on n'a pas eu de servir Dieu? Peut-être que moi, je suis même pas un bon exemple. Je suis pas un bon exemple. C'est pas mauvais, mais je suis pas à cet exemple même que tu peux avoir. Par exemple, tu prends l'évêque. Oh! Abondance. Il dit que les choses qu'il ne recherche pas sont les choses là qui le poursuivent. Il ne recherche pas l'argent. L'argent le poursuit. Yeah. Il ne recherche pas l'argent. L'argent le poursuit. Yeah. Il dit que un jour il était arrivé à un aéroport. Je pense à c'est Malaisie ou quelque part. Et puis à l'aéroport là-bas il y a un gars qui ne le connaît même pas. Qui l'a rencontré. Et le gars l'a rencontré. Cet ingénieux dit au fait, je ne sais. Quand est-ce que je peux te voir? Aujourd'hui, je te vois aussi. Je te vois aujourd'hui. Je te donne tout l'argent que j'ai sur moi aujourd'hui. Il dit, comment? Comment est-ce que? Il ne le connaît même pas. Il dit qu'il passe des temps dans des hôtels où il ne paie même pas. Ou même si c'est son argent, il ne va pas rester dans ces hôtels. Yeah, si c'est son argent, il va pas payer pour ces hôtels. Mais on paie pour lui. Il va dans les restaurants. Lorsqu'on amène la facture que quelqu'un a payée, lorsqu'on voit la facture, dit, ah, là, là, moi, je vais pas payer pour ça. Est-ce que vous comprenez? Yeah! Donc, servir Dieu. Ouais. Lui, je sais pas comment, c'est quelque chose qu'on doit apprendre de lui. Il ne fait rien à cause de l'argent. Yeah. Il ne fait rien à cause de l'argent. Il ne fait rien à cause de l'argent. Et si vous l'écoutez très bien, il a dit, lorsqu'il a commenté Lighthouse, personne ne paie les offrandes. Parce qu'il pensait que les gens sont pauvres. Les gens n'ont pas d'argent. Parce que c'est pas à cause de l'argent qu'il est là. Il est là pour partager la parole. Il est là pour sauver les âmes. Yeah. Mais après avoir lu, la parole de Dieu a dit que non. Plutôt, il est en train de priver les gens, l'assemblée, de la bénédiction de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé. Et puis, il y avait son père en Christ qui lui a dit non. Les gens doivent payer l'offrande. Si les gens ne paient pas l'offrande, le Seigneur va te maudire. Yeah, c'est en ce moment les gens ont commencé à payer. Donc, il ne fait rien à cause de l'argent. Et il fait ça, il fait toute chose de son cœur. Et aujourd'hui, Ce qu'il n'a pas recherché, ce qu'il n'a pas poursuivi, ce qui n'était pas son but, c'est ça qui le poursuit maintenant. Alléluia. Et nous qui sommes peut-être en bas de l'échelle, lorsqu'on commence à parler de ce que Dieu a fait pour nous, tu seras étonné. L'abondance, de servir le Seigneur, l'abondance. Peut-être maintenant tu ne vois pas. Mais avec le temps, tu vas voir. Amen. Amen. Tu seras la tête, pas la queue. Alléluia. Tu ne seras pas en dessous, tu ne seras pas pauvre. Amen. Il faut lire la Bible. Tous ceux qui ont servi le Seigneur, est-ce qu'ils ont vécu dans la pauvreté? À moins que tu ne connais pas la Bible. Peut-être que tu es en train de voir les hommes que tu vois maintenant, ceux qui sont les hommes maintenant. Donc tu penses que les hommes sont en train de boucher, à manger l'argent des gens. L'évêque va te dire qu'il n'a pas besoin de ton argent. L'église n'a pas besoin de ton argent. Il n'est même pas concerné avec les millionnaires, milliardaires. Lorsqu'il vient, parce que dans certaines églises, ils viennent, on va leur donner une place spéciale. Tu vas là, il y a beaucoup de milliardaires. Mais tu vas pas reconnaître. Ils sont simples, sont assis quelque part, sont des pasteurs quelque part, sont assis, mais, va pas voir. Parce que lui, il s'en fiche. Si tu es riche, il s'en fiche. Il n'a pas besoin de ton argent parce que c'est que Dieu va pouvoir. Donc, ton but, c'est pas l'argent. Ton but, c'est pas l'argent. Il y a des gens dans les relations parce que, à cause de l'argent, l'argent de son papa. Donc, si je me marie à lui, nous sommes héritiers. Tu vas voir que cette relation ne va pas marcher. Cette relation ne va pas marcher. Faut pas être des amis à cause de l'argent. Surtout à l'école, vois les gens qui sont amis aux enfants des riches. Ça, c'est pas une bonne amitié. Une bonne amitié. Une bonne amitié. Il faut rien faire à cause de l'argent. Faut pas venir ici à cause de l'argent. Ici, là, c'est pas la banque. Si tu veux, va à la banque. Si tu veux, c'est l'argent. Va à la banque. Les gens sont venus à l'église ce matin à cause de l'argent. C'est pas ton but. C'est pas ton but. Tu es en train de poursuivre la mauvaise chose. Au lieu de poursuivre le royaume des cieux et sa justice. Et tu vas voir que l'argent va te poursuivre. Personne n'a servi Dieu fidèlement et Dieu l'a laissé pauvre. En pauvreté. C'est pas... Donc la Bible, donc tu n'as pas lu la Bible. Il faut aller lire la Bible. La Bible, Dieu dit, il est le Dieu de l'or et de l'argent. C'est pourquoi il dit que toutes ces choses te seront données. Ce que tu es en train de rechercher. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut croire. Croire et dire Amen. Dis Amen. Pourquoi? Dieu va te bénir. Amen. Aujourd'hui, tu n'as rien. Demain, tu seras en abondance. Amen. À moins que tu n'as pas lu Deutéronome, Malachie 3, ou bien Deutéronome, Deutéronome 28, verset 47. Tu n'as pas lu. Dans l'abondance. Abondance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oh! Abondance. Moi, je peux dire abondance. Abondance, combien de fois? Abondance, lorsque je vois ma vie, là où j'ai commencé, là où je suis, d'où je viens. Abondance multipliée par combien? Quoi? Abondance multipliée par... Dimanche matin, je me lève. J'avais faim depuis le... Aujourd'hui, lorsque je me lève le dimanche matin, je ne pense même pas à la nourriture. Mais avant, je pensais à la nourriture. Qu'est-ce que je veux manger? Je me rappelle pas le jour où j'ai commencé à penser qu'est-ce que je veux manger. Plutôt, j'ai un problème de décider quoi je vais manger. Par la grâce de Dieu. Quoi je vais manger? Parce que je veux manger. Est-ce que vous comprenez? Pas parce que j'ai fait quelque chose de grand. Pas certaines grâces de servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le monde a, ils envient les pasteurs. Parce qu'ils pensent que les pasteurs ne font rien. Mais ils sont bénis. Yeah! Les pasteurs sont bénis plus que tout le monde. Si tu ne sais pas, ils sont bénis plus que tout le monde. Yeah! C'est pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Parce que la bénédiction, c'est pas l'argent. Si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc cette année, l'abondance, laisse tomber toutes tes recherches de l'abondance et commence à servir le Seigneur. Ah, commence vraiment, vraiment, vraiment, pas faire semblant. Parce que beaucoup d'entre nous ont fait semblant pour montrer, non. Commence, dans ton cœur, commence à servir le Seigneur. Et le Seigneur ne va pas te décevoir. Il ne va jamais te décevoir. Au nom de Jésus. Yeah. C'est bon. C'est très, très, très bon. C'est bon de servir le Seigneur. Alléluia. C'est bon de servir le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas compris, mais tu peux prier. Et le Seigneur va t'aider à comprendre. Alléluia. On va continuer la semaine prochaine. Il y a beaucoup de raisons. Alléluia. Mais au moins, c'est deux raisons. Il y a une différence à ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Alléluia. Lorsque je regarde ma vie, avec les gens avec qui j'ai commencé, et parfois lorsque je les rencontre, il y a une grande différence. Grande différence. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Le Seigneur va te bénir. Sois fidèle. Ne démissionne pas. Ne sois pas découragé. Et tu ne seras jamais pauvre. Au nom de Jésus. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Cette année, on doit apprendre à recevoir la bénédiction de Dieu par quelque chose de très simple. Est-ce que vous connaissez cette chose? Vous connaissez cette chose? Hein? Yeah. Cette année, apprends à recevoir la bénédiction de Dieu par Amen. Amen. Yeah. Les gens ne disent pas Amen. Non? Amen, ça veut dire quoi? Que? Qu'il en soit ainsi. Et comme j'ai dit, tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Qu'il en soit ainsi pour moi. Pour moi. Il faut apprendre à recevoir. Beaucoup d'entre nous, on laisse la bénédiction nous dépasser comme ça. Dépasser. Alléluia. Amen. Fermez les yeux. Ce matin, tu es là. C'est le premier dimanche de l'année. Fermez les yeux, tout le monde. Fermez les yeux. C'est le premier dimanche de l'année. Tu veux dire, Seigneur, je veux commencer l'année avec toi. Je sais que je ne suis pas né de nouveau. Je sais que la vie que je mène, c'est pas une vie qui est digne d'un enfant de Dieu. Mais ce matin, tu veux dire, Seigneur, premier dimanche, première chose, nouvelle vie, je veux être ton fils. Je veux te donner toute ma vie. Je veux te servir. Je veux commencer à te servir à partir d'aujourd'hui. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? On va prier. Lève la main. Lève la main. Merci. Merci mon frère. Merci mes frères. Merci. Je vois les mains. C'est bon. C'est bon. Toi, si tu veux lever la main, tu veux dire Seigneur. Seigneur, cette année, c'est pour toi. Je veux te donner toute ma vie. Je veux être né de nouveau. Je veux un changement de vie. Si tu es là, lève la main. Toi aussi, lève la main. Avec les deux frères. Les deux frères qui ont levé la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. On ne sait jamais. L'opportunité n'est pas toujours là. On a chaque fois des responsabilités sont limitées. On ne sait jamais. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? On va prier. Viens devant. Mon frère, viens. Mon frère, viens, on va prier. Oh, ma soeur, merci. Merci. Merci. Oh, mon frère, viens. Viens, on va prier. Viens, on va prier. ça ne fait rien, on va prier, ok? Fermez les yeux et répétez après moi, dit Seigneur, je te remercie. Et tout le monde, Seigneur, je te remercie. Ce matin, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang. Je reconnais que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Ce matin, je le confesse qu'il est sauveur et je l'invite dans ma vie, qu'il soit mon Seigneur à partir d'aujourd'hui. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je vais te servir. Cette année, je vais te servir. Aide-moi. Aide-moi. Donne-moi ta grâce pour te servir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît.